Depuis tout petit j'ai les mêmes têtes dans mon cercle d'amis. Étranger viens pas raconter ta vie, d'ailleurs y'a que les vrais soldats qui pourront damer. RDV c'est DG Roissy. En business je me sens comme un roi. J'ai plus de 4 fois le prix de ton salaire ce mois-ci. L'ancien il est à terre, il est moisi. Nouveau flow, what the fuck. Te blesse, on s'en fout de qui t'es, peu importe son fait. Ils font du porte à porte. On est real comme les habits qu'on porte. Donner des noix à ça jamais. Donner des noix à ça jamais. Mélange pas luxe et la crasse. Chanel. J'ai dit hi, what's your name? Elle m'a dit my name is Chanel. Chéri Coco veut son Chanel. Évidemment, moi-même, je suis sapé en Chanel. Son gros cul, le chameau, c'est pas pionnel. J'suis même écouté par ta mère. Faut des tamels. J'suis diamant et j'te pense à Chanel. On le fait pas pour te plaire. On fait ça pour la house de la down au bled. La monnaie m'appelle qui t'a guéri mes plaies. Je merci, j'ai la santé, jamais je me plains. Tout. La guitare fait des symphonies, si y'a un trou. Cache-toi où tu veux, un seul coup de fil, on te trouve. Dans le gang, pas de négro en trop. Sur moi, le Beretta, j'avais. Te faire une boucherie, j'allais. On fait du ski comme au chalet. T'as jamais rien vendu, sale flow que je savais. J'faisais les missions en chave. Rendez-vous chez la jave, faut pas me donner un genre. Mais mélange pas luxe et la crasse. Chanel. J'ai dit hi, what's your name? Elle m'a dit my name is Chanel. Chéri Coco veut son Chanel. Évidemment, moi-même, j'suis sapé en Chanel. Son gros cul, le chameau, c'est pas pionnel. J'suis même écouté par ta mère. Faut des tamels. J'suis diamant et j'te pense à Chanel. What's your name? Elle m'a dit my name is Chanel. Chéri Coco veut son Chanel. Évidemment, moi-même, j'suis sapé en Chanel. Chameau, c'est pas pionnel. J'suis même écouté par ta mère. Écouté par ta mère. Diamant et j'te pense à Chanel.